mon paradis. Ma vie, ma mélodie, qui fait sur un marquage et mes rimes ont vécu jour et nuit. Prends des bonnes femmes en studio, avec mes carapes pendant des heures sous weed clean. Négro, j'aime ça, pour présenter, inaugurer, et pour créer. Construire des bombes sur Billy, conçu pour durer, me faire entendre, faire connaître la force de mon coup sur la palette, faire partager au public nos conquêtes. Le kiff à fond d'or, puisque nous passons tous les jours, opter pour manger le mac de la main et du mission sans recours. Même les conneries de ma rue n'arrivent plus à m'encombrer. Dans toutes les merdes, j'ai trouvé l'issue pour m'échapper. Le rap au paradis, si l'enfer se trouve ici, j'ai trouvé ma vie. Ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retient. J'ai choisi mon chemin brouillard. J'essaie de m'en sortir chaque jour. J'avais c'est pour mon avenir. Changer mon quotidien, je plus que tenir pour les jours à venir. Le choix dans le quartier, je rêve de bouger loin. Sortir de ce merde loin. De fuir mon quotidien, moi l'homme au mien. Faut pas que je tombe dans le précipice du vice. 8-6, cannabis, d'où je suis là, c'était contrôle de police. Les mauvaises compagnies m'ont poussé dans un groupe sans lumière. J'entends les trahisons, passé beaucoup moins qu'hier. Squatté, je mets en bas les tours, je suis plus cette école. 9 litres, je prends le billet vers la gloire, je décolle. Ma mifa compte sur moi, la clique compte sur moi. J'ai trop causé de peine, goûté à trop d'échecs d'embarras. J'ai plutôt à perdre, chacun pour sa route comme il veut. La mêle est tracée, j'ai peu de blé, mais des envies de percer. De m'élever, tâche blanc, sortir de la mêle et lutter. Montre au monde entier qu'un jeune mic me pesait. Le rap mon paradis, si l'enfer se trouve ici, j'ai trouvé ma vie. Ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retient. J'ai choisi mon chemin pour rien me faire. Le rap mon paradis, si l'enfer se trouve ici, j'ai trouvé ma vie. Ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retient. J'ai choisi mon chemin pour rien me faire. Vision du paradis, revois ma vie quand j'étais petit. Sans un sou dans les poches, sans des prisonniers de la Tessie. Une mauvaise graine endurcie qui perdait son temps à traîner. J'étais repéré, maintenant je diffère, m'en scellé. Ça c'est mon truc, ma chose, mon kiff, ma clause. Mon contrat moral, ma cause. Je la défends à coups de prose. Dès l'époque où je commençais, mes potes me disaient: n'as-je pas l'affaire, c'est notre frère qui fait quelque chose de bien. J'ai suivi les bons cours, j'ai fui les mauvais coups. 17 ans à présent, avec l'avenir et à plus. Le rap au paradis, si l'enfer se trouve ici, j'ai trouvé ma vie. Ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retient. J'ai choisi mon chemin pour rien me faire. Le rap au paradis, si l'enfer se trouve ici, j'ai trouvé ma vie. Ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retient. J'ai choisi mon chemin pour rien me faire. Le rap au paradis, paradis. Yo, vous sortir le smerdier, coup de zap, Bouddha pour les vrais gars. Ma clique à section camouflage, moi un love. Yeah, yo, paradis.